YouTube Simple Minds pour commencer, et si on fonçait à présent chez Roland et Kurt. Is it an Olympic dream? Né en 66, j'ai grandi difficilement avec Sardou et autres Carlos. Heureusement, ma majorité et mon indépendance musicale ont bien eu lieu dans les années 80. Taking a ride. Après les pointures, donc on parle de U2, de Simple Minds, de Tears for Fears ou encore de Depeche Mode, il y avait aussi des groupes plus confidentiels avec lesquels on se trémoussait tout autant. Et là, je pense à Killing Joke, les Church, les Red Guitars, mais je pense tout de suite à Bauhaus. I'm not afraid to die. Et dans les groupes qu'on se gaussait d'être les seuls à connaître, il y avait bien évidemment les Red Guitars, mais peut-être et surtout le nord, le sud, l'est et l'ouest des Church. Estate's prime, the number plates rhyme. gonna be proud with their breasts unallowed. In this city, dream of a scan and raking the clams. Payment, I catch my flight, and don't wait up for me tonight. You may find me there, and you might find me there. South, east, and west, have a free throw or host your own show. In this city, to a wolf from a land for just half a grand. Face off today, just a scalpel away. Restore your lost soul for $2 plus toll. Des soirées nostalgiques avec notre programmateur qui replonge dans les années 80. We've got photographs of men on the moon. We've got water that is good for us. We've got coffee that's instantaneous. We've got buildings that are very tall. We've got cigarettes that are low in tar. We've got policemen who can tell us who we are. Reproduce the work of art. We've got missiles. Sometimes I wonder what it is all about. There's lots of leisure time to sit and work it out. This ain't TV show I've got to see. Les années 80 ont fait la culture musicale de beaucoup avec la découverte de groupes qui aujourd'hui sont peut-être devenus des références. D'autres par contre ne sont qu'iconiques par leur rareté, voire leur disparition. Ces groupes ne jouaient pas beaucoup en France et si on n'était pas parigot, on pleurait en écoutant les programmations des salles comme la Locomotive, les Bains-Douches ou encore le Rex Club. Heureusement, certains de ces groupes connaissaient Lyon comme les Cure. closer and see, see into the dark. Just follow your eyes, just follow your eyes. Niveau musique, parfois notre jugement artistique était faussé, mais ce ne fut jamais le cas pour Annie Lennox et son Eurythmics, qui venait pourtant à Lyon avec un petit haut rouge assez sympathique. Thank you. Mais dans ces années-là, il y avait niveau fille quelqu'un d'un petit peu plus, on dirait aujourd'hui, gothique. Elle s'appelait Suxy, et parmi son groupe, il y avait un mec qui s'appelait Bob Smith. Allez, rendez-vous en 2025 et sur ce, ho ho, bon vent à tous!